Première chose, c'était savoir à peu près quelle était votre place dans cette dans le militantisme, si c'était plutôt voilà, si vous étiez actrice militante ou juste témoin de ce genre de choses. Et dans quel cadre ? Est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu On a essayé de s'imaginer, ça pouvait être soit syndical, politique, associatif, et okay. Si vous étiez actrice ou témoin. Ok. Donc, moi je suis assistante sociale ici au sein de l'entreprise, hein, mais en dehors, au-delà de cette profession, je fais du bénévolat dans le milieu hospitalier. Et j'ai fait, il y a quelques années, une formation en soins palliatifs. Donc j'ai fait de l'accompagnement en soins palliatifs à l'hôpital. Et là, actuellement, je fais chaque semaine de l'accompagnement des personnes qui sont aux urgences d'un hôpital en région parisienne. Étant dans une association, on ne fait jamais ça en électron libre en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu... ouais. Donc ça répond, ça répond à la question. Ouais, donc vous êtes active. Complètement. Active. Et du coup, vous y allez toutes les semaines, vous m'avez dit ? J'y vais, oui. J'y vais toutes les semaines. Il y a une réunion une fois par mois où toutes les bénévoles se retrouvent justement pour s'inscrire. Et ensuite, chacune, en fonction de nos possibilités, nous venons passer une demi-journée. Normalement, c'est une demi-journée par semaine. Et moi, j'y vais le dimanche matin parce que dans la semaine, c'est un petit peu compliqué. D'accord. Voilà. Et alors, c'est quel type de bénévolat vous faites si c'est pas indiscret quand une personne arrive aux urgences... où une famille arrive aux urgences, elle est reçue dans un premier temps par un médecin, une infirmière, ou en général c'est une infirmière, et après elle se retrouve dans les box ou dans des pièces réservées en attendant de voir un médecin. Et moi je suis donc je suis dans l'écoute, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas le droit, nous on n'est pas personnel médical, personnel soignant, donc on n'a pas le droit de donner un verre d'eau, de faire un geste technique en fin de compte. Nous on est juste là pour rassurer les gens, leur expliquer ce qui se passe, les calmer un petit peu, faire le lien avec les familles qui peuvent être par exemple dans la salle d'attente, ou quand je faisais, au début j'y allais deux fois par semaine, et j'étais souvent le mercredi après-midi et souvent on recevait des enfants qui étaient amenés par les pompiers, donc il fallait attendre les parents qui étaient bien évidemment au travail, et donc mon rôle c'était ça aussi. Donc je suis avec les personnes qui sont en attente ou de voir le médecin ou de résultats, voilà. Et puis comme j'adore les enfants, je vais aussi bien souvent dans la salle d'attente, donc j'y vais avec, c'est pas le Père Noël avec la robe, mais je vais avec un sac avec plein de jeux, des crayons de couleur, des dominos, j'ai toujours mon petit sac aussi en bandoulière, des jeux des familles. Et puis je vais voir les enfants qui attendent, ou parce qu'ils attendent pour eux, ou ils attendent parce qu'ils accompagnent quelqu'un, et voilà. Et donc je reste un peu avec eux dans la salle d'attente. Donc je suis ou dans la salle d'attente principalement avec les enfants, ou avec les personnes qui attendent, qui peuvent avoir froid, donc je vais leur donner une couverture, mais surtout dans l'écoute en fait. D'accord. Rassurer, écoute. D'accord. Et vous m'avez dit que vous faites ça où ? C'est dans quel hôpital ? À Lagny. D'accord. L'hôpital de Lagny, Lagny-sur-Marne, c'est en Seine-et-Marne. Et donc vous m'avez dit que vous faites ça avec un groupe de bénévoles et vous vous réunissiez au préalable pour décider où et quand vous allez intervenir. Pas et... où, mais quand. Parce que où, c'est toujours aux urgences. D'accord. Voilà. On ne circule pas dans l'entreprise. On ne circule pas dans l'hôpital. On reste que aux urgences. Et c'est une association qui s'appelle VMEH, Visiteurs Médicaux des... hospitaliers, et donc eux ils ont effectivement des bénévoles ou dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux, et là à Lagny c'est aux urgences, donc moi je reste que à Lagny en fait et aux urgences, mais je pourrais dire je vais aller dans un autre hôpital ou changer de secteur, mais bon pour le moment je suis aux urgences. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce genre de démarche? La démarche de départ, c'était pas les urgences, c'était les soins palliatifs. Voilà. Donc j'ai fait cette formation sur mon temps perso, hein, c'était le week-end. Et donc après, j'ai intégré l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital Saint-Camille, qui est un hôpital juste à côté, ici. Et donc là, c'était vraiment le secteur dans lequel je voulais faire de l'accompagnement. Et cette, voilà. Après, ben, cette équipe a changé, donc l'hôpital, ça ne me convenait plus. Donc j'ai changé d'hôpital et par voie de conséquence, ben, j'étais obligée aussi de quitter les soins palliatifs. Mais au départ, pourquoi j'ai donc pris les soins palliatifs? On est seul quand on meurt. On est souvent seul quand on meurt. Et les familles ne savent pas faire. Elles peuvent pas ou elles savent pas. Et la personne se retrouve souvent très, très seule. Et cet accompagnement est vraiment important. Tant que nous, on peut... tant que nous, on a encore toutes nos capacités, toutes nos forces, toute notre énergie pour faire, pour aider, pour accompagner l'autre, mais il faut le faire. Alors ça va être le secours catholique, ça va être les Restos du Cœur, ça va être tout ce qu'on veut. Mais il y a tellement de gens qui sont seuls, qui sont tristes, qui sont malheureux, qui ont besoin de coups de main. Bah, aidons-les, parce que nous, un jour, on va se retrouver dans cette situation-là et on sera bien content de voir quelqu'un pour voilà, vous accompagner, ne serait-ce que 5 minutes, vous dire bonjour, vous parler d'autre chose, ne pas... Voilà, c'est ça, quoi. C'est ce côté-là qui est très, très fort. Et en même temps, à ce moment-là, il se passe des choses très, très importantes. Et quand on donne, que ce soit en soins palliatifs, que ce soit au niveau des urgences, que ce soit... Ben, à chaque fois que l'on donne dans ce cadre-là, on reçoit, mais 1000 fois plus. Il y avait une bénévole qui disait, quand je vais aux urgences, que aux urgences, mais imaginez aux soins palliatifs, elle disait, moi, quand je vais faire mon accompagnement en soins palliatifs, je sais pas, lundi matin, ben, c'est comme si j'allais à la messe, c'est comme si j'allais prier. Pour moi, c'était pareil, en fait. Tellement il se passe des choses très, très importantes à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup. Merci de beaucoup. Rien. Très riche, merci beaucoup. Bah, écoutez, je sais pas. Merci beaucoup, vraiment. De rien.